Pendant la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix de Normandin, votre magasin IGA Denis Cloutier de Normandin vous offre des spéciaux imbattables. Cette semaine, le café Maxwell House à 5,99$, le melon d'eau à 3,99$, le beurre de marque Compliment à 3,33$. IGA Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril Normandin, 418-274-2009. Toute notre équipe souhaite un franc succès aux équipes qui participent à la classique de volleyball Jeanne Larouche Family Prix à la Chute à l'Ours et remercie les organisateurs qui se donnent corps et âme pour en faire un événement majeur pour Normandin. On va parler de la Coupe Rogers. On fait le bilan de tout ça avec notre spécialiste Caroline Delay. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, d'abord, si on parlait de la... C'était tout un match entre Simona Halep et Sloane Stephens. C'était un match qui a duré 2h40. Fait que ça a été quelque chose de très intéressant. C'est une des premières fois que les Coupe Rogers, la finale des femmes, dure autant de temps. Hein? Oui, ben c'est ça. C'est un match intéressant, effectivement. Un long match. Puis je pense que les gens en ont pour leur argent. Au niveau du tennis en tant que tel, ben c'est sûr que moi j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'erreurs des fois là, de part et d'autre, des erreurs un peu faciles, des erreurs non forcées qu'on appelle. Des fois, ça nous donnait droit à 2-3 bons points de suite. Après ça, il y avait 2-3 peut-être moins bons points. Mais c'est ça le tennis, hein, ça peut pas être tous des points là, joués parfaitement. Mais en tout cas, disons que les joueuses ont travaillé fort, puis jusqu'à la fin, on pouvait pas trop prédire qui allait gagner parce que Stephens est revenu de l'arrière. Puis écoutez, rendu là, on sait pas, hein, c'est jamais facile de fermer un match. Mais je pense que les amateurs ont apprécié là, ce qu'ils ont vu, tout ça. Puis c'est bon pour le tennis féminin aussi, là, parce qu'il n'y a rien de plus plate qu'une finale qui finit 6-0, 6-1. Ouais. Puis que ça sent unique. Là, on peut pas dire que c'est à sens unique. C'est sûr, faut comme le commentaire que j'ai fait tout à l'heure, faut quand même connaître le tennis là, pour dire que, bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu un petit peu trop d'erreurs. Mais c'est sûr que les spectateurs en tant que tels ont sûrement dû apprécier. Là. C'est clair. Donc, c'était très très intéressant. C'était un long match. Écoute, c'est un duel que c'était la première contre la troisième. Hein? Oui, ben c'est ça, hein. C'est sûr que c'est de haut niveau. Puis c'est 1-3, on peut pas demander mieux, là. Puis écoutez, attirer les meilleurs joueurs comme ça à Montréal, ben c'est le fun, que ce soit Montréal ou Toronto. C'est sûr qu'on veut toujours avoir les meilleurs, puis c'est ce qu'on a eu. Fait que je pense que les gens ont été bien servis puis satisfaits aussi de ce qu'ils ont pu voir. Puis effectivement, un long match, ben c'est le fun parce que quand le final finit trop facilement puis que ça dure seulement une heure, ben on dirait que les gens sont comme laissés sur leur appétit puis ils repartent un peu déçus. Donc, je pense pas que ça a été le cas hier à Montréal là, dans la chaleur. Là. OK. Du côté des hommes, c'était un petit peu moins compliqué. Contre Nadal a besoin à trimer dur contre un joueur qui en a épaté plus d'un à Toronto la semaine passée. Oui, ben c'est ça, hein. Il a quand même battu 4 joueurs dans les top 10, là, tu sais, s'il passe. Donc, je pense que lui aussi, là, est seulement âgé de 20 ans. Il a eu 20 ans hier, finalement, c'est sa fête. Très, très jeune. Un très bel avenir devant lui. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de Grecs, hein, qui ont performé au tennis. Fait qu'écoutez, c'est tout en son honneur. Je pense qu'il c'est un jeune qui est très prometteur. Puis hier, écoutez, même le deuxième set, c'était très serré, là. S'il s'envole avec le deuxième set, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver au troisième. Des fois, les joueurs traînent des blessures, de la fatigue. Tout ça, Nadal, écoutez, cette semaine, il y en a eu pour son compte, là. Il a joué des longs matchs, des 3-7, tout ça, mais c'est un battant, hein. Fait qu'on savait, là, en se rendant en finale, qu'il avait de très bonnes chances de remporter, justement, de par son expérience, mais aussi sa ténacité. Il lâche rien, là, tu sais, puis il veut tellement gagner chaque point puis chaque match que ça devient très difficile de battre des joueurs comme ça. Puis il y a beaucoup confiance, je crois, aussi. Ça fait que ça va l'amener à j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire à Cincinnati, puis après ça au US Open. Mais écoutez, il est en très grande forme, on le voit, ouais. Là, puis tu sais, quand tu es capable de jouer des longs matchs, puis tu n'as jamais l'air fatigué, mais c'est parce que la forme est là. Donc même à 32 ans, là, il est encore capable. Il va être très difficile à vaincre, je pense, au US Open. OK. Donc, on va suivre ça. C'est Cincinnati. C'est un tournoi qui se compare beaucoup à Montréal, hein? Oui, Cincinnati, c'est ça. C'est un Masters Mill aussi, comme à Montréal. Donc, ça va être intéressant aussi. Je sais que Nadal a une très grosse première ronde. Je ne me rappelle plus tout à fait contre qui il joue, mais ce ne sera pas facile. Et puis, c'est sûr que quand on sort gagnant d'un tournoi long comme à Montréal, c'est pas tout le temps évident non plus d'arriver la semaine après et d'être frais dispo. Mais les joueurs, écoutez, ils savent comment se préparer. ils savent quoi manger, ils s'hydratent bien. T'sais, ils sont tellement suivis là, que maintenant, là, on dirait que ça n'a plus d'impact tellement. Là. T'sais, je dirais que dans les années précédentes, bon, si on retourne en arrière, l'encadrement était un petit peu moins présent. Mais là, maintenant, là, depuis quelques années, écoutez, tous les meilleurs au monde, ils ont une grosse équipe derrière eux, là, que ce soit nutritionniste, préparateur physique, entraîneur de tennis, évidemment, gérant, et ainsi de suite. Fait qu'ils ont moins de trucs à penser, puis il n'y a pas de stress à avoir, là, parce que tout est préparé, tout est fait en fonction de bien performer. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que... Mais là, on ne sait pas, hein, les petits bobos, ben non, je ne sais pas. Qui a des petits bobos, il y en a tous, de toute façon. Mais qui va pouvoir justement là, sortir du lot sans avoir trop de blessures? Parce que jouer sur la surface dure, c'est pas si évident que ça. Non, là. Non. Dans le sens que c'est dur pour les articulations, les genoux, les chevilles, tout ça. Fait qu'il peut subvenir des blessures malheureusement ou des choses qui vont faire que bon peut-être ça va avantager certains, là, mais j'ai hâte de voir là, les prochaines semaines qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu, puis en espérant qu'on continue à avoir des bons matchs. Ce que j'ai aimé aussi, c'est Eugénie avec Sloane Steven en double. Est-ce que ça pourrait la relancer, le fait qu'elle va bien? Semble-t-il que les gens qui étaient là-bas ont vu une Eugénie qui s'amusait beaucoup? Est-ce que puis on se contente pas d'histoire? Elle a beaucoup de pression, puis des fois, tu veux trop t'en sortir. On en parlait justement vendredi. Est-ce que tu penses que ça pourrait être très bénéfique pour elle? Puis elle joue du tennis aussi avec une des meilleures, là. Oui, ben c'est bénéfique, hein, parce que bon, quand une des meilleures veut jouer avec toi, que ce soit en simple en double, je veux dire que T.S. Stevens est troisième au monde en double, en simple, c'est-à-dire, fait que déjà jouer avec Eugénie, ben c'est quand même bon pour Eugénie en tant que telle, dans le sens que pour l'aider avec sa confiance et tout. Puis oui, effectivement, elle semble s'amuser, mais c'est plus facile de s'amuser en double qu'en simple. On va comprendre qu'en simple, on est seul sur le terrain. Fait quand ça se met à moins bien aller, là, des fois, on cherche des solutions, puis les chercher tout seul, des fois, c'est pas toujours évident. Là. Tandis qu'en double, ben, c'est peut-être un petit peu plus, là, je dirais pas un côté social, mais quand même, parce que quand on regarde aussi dans les différentes ligues que les clubs intérieurs ont, puis même l'été, il y a beaucoup de monde qui vont jouer en double, justement pour ce petit côté-là social et ainsi de suite, donc que ça amène. C'est ça. Fait que c'est sur le circuit, c'est la même chose. Hein, les joueurs et joueuses jouent en double souvent puis pour s'amuser aussi, pas juste compétitionner, oui. C'est sûr, si tu performes seulement en double, tu vas te concentrer vraiment à faire une carrière de double. Mais dans son cas à elle ou dans le cas de d'autres joueurs, ben des fois, c'est pour amener un petit peu plus de volume, là, plus de volume pour aller chercher là, justement là, des petites choses des fois qui peuvent leur manquer pour l'aspect confiance, exemple les volées, les retours de service, continuer d'améliorer certaines facettes de leur jeu. Fait que moi je pense que c'est très positif pour elle. Je sais pas si elle va rejouer avec elle dans d'autres tournois, là, que ce soit l'US Open ou autre, mais en tout cas, ça reste à voir. Là. OK. Donc, Françoise Abanda qui a fait quand même un bond quand même très, très important. Évidemment, quand t'es 192e que Françoise était avant le Cup Rogers. Quelque chose de même, hein, je pense. Oui, ben c'est ça. Là, c'est sûr qu'elle avait baissé un petit peu dans le classement. Donc, bon, des fois, c'est un petit peu en yo-yo. Hein, donc, ouais. On monte dans le classement. Oups, on redescend, on remonte. 21 c'est difficile de se maintenir vraiment là, là au sommet. Mais écoutez, ça prend des performances. Hein. C'est sûr que des fois, si tu gagnes juste une ronde ou deux, c'est pas, oui, ça peut te faire monter un petit peu, mais c'est pas assez pour, exemple, briser le top 100 ou le top 50. Ou, tu sais, il faut battre des très bonnes joueuses, puis Dieu sait qu'il y en a. Hein, fait que c'est pas facile là, de répéter ça de semaine en semaine en semaine. Fait que ça reste à voir. Là, dans son cas, écoutez, elle joue quand même bien. Elle a joué vraiment des bons matchs. Là, à Montréal, on l'a vu jouer là, de l'excellent tennis, fait que moi je pense que ça peut lui donner confiance. Mais c'est sûr que quand tu joues chez toi, tout le monde prend pour toi, c'est quand même plus facile au niveau de l'adrénaline, tout ça, mais quand tu retombes des fois dans les circuits en Asie ou n'importe où, là, t'es comme un peu tout seul. Quand même que t'as ton un entraîneur dans les strates. Ouais. Ben, J'écoutais Sébastien Larrault la semaine passée au 98.5. Sébastien Larrault qui avait surpris en simple, je pense c'était en 98-99, qui avait quand même eu une grosse victoire. Puis c'est ça qu'il mentionnait aussi. Il dit, faites jouer à Montréal, on a la foule qui nous transporte, ça nous aide beaucoup. Là. Right. OK, Caroline, on s'en reparle-tu pour le US Open? OK. Donc, Caroline Delisle qui nous parlait de la Coupe Rogers.